Chapitre 4. Mourad n'imita pas son père. Une esclave vénitienne de la famille des Bafa fut pendant 15 ans son unique favorite. Malgré l'usage, elle avait conservé son nom de famille en entrant dans le sérail. On l'appelait toujours Bafa, et jamais elle n'oublia ni son origine ni son malheur. C'était une femme sévère et triste, qui n'avait d'autre charme que son incomparable beauté. Le sultan se lassa d'elle enfin, et tout à coup, on le vit s'abandonner avec emportement aux voluptés qu'il avait si longtemps dédaignées. Cependant, aucune des belles esclaves que le Kislargassi lui amenait chaque jour n'obtenait une préférence exclusive. Il avait relégué l'austère Bafa dans un coin du sérail et passait sa vie dans une suite continuelle de fêtes et de plaisirs. Ce joyeux régime finit par altérer sa santé. Quoique sa complexion fût des plus robustes, il mourut étique avant d'avoir accompli sa 47e année. 102 enfants étaient nés de la multitude des odalisques. Sur ce nombre, il y avait 30 petites filles. L'aîné de cette nombreuse postérité, le sultan Mahomet III, fils unique de la Bafa, monta sur le trône. Une horrible tragédie se passa alors dans le sérail. Mahomet prononça le lendemain de son avènement l'arrêt de mort de tous ses frères. 19 jeunes princes furent étranglés et les muets jetèrent dans la mer 10 odalisques qui étaient enceintes. Quant aux 30 petites sultanes, tristes restes de la famille impériale, le nouveau sultan les laissa vivre. Après ces exécutions, Mahomet III mena une vie tranquille et voluptueuse. La Bafa, sa mère, prit avec le titre de Validé une influence souveraine. Cette femme, si longtemps humiliée, triomphait à son tour et son premier acte d'autorité fut d'envoyer toutes ses jeunes rivales dans le vieux sérail où il est d'usage de mettre pour le reste de leur vie les veuves des sultans défunts. Jamais elle ne souffrit que son fils s'attachât à une seule femme et lui choisit 4 favorites. La première, qui était une belle circassienne, lui avait déjà donné un fils et, selon l'usage, elle avait pris le titre d'Asaki. Les 3 autres étaient ses égales, sauf cette distinction. Malgré les efforts de la Validée pour maintenir toutes ses femmes dans le respect et le dévouement qu'elles devaient à leur maître, le padishah éprouva des malheurs de famille. La belle grecque Elenka avait eu de lui un fils qu'elle aimait avec passion et l'avenir duquel elle ne pouvait songer sans verser des larmes, car elle savait qu'il ne grandissait que pour mourir jeune. Cette douleur secrète la fit tomber en langueur, et elle dépérissait de jour en jour, ce qui n'empêchait pas qu'elle parût encore plus charmante aux yeux du sultan. Elle profita de ses dispositions pour déclarer que c'était l'air vif qu'on respirait dans le sérail qui lui était mauvais, et que si elle pouvait vivre quelques mois dans le climat chaud de l'Égypte, elle serait guérie. La validait, qui remarquait avec inquiétude l'influence qu'Elenka commençait à prendre sur son fils, conseilla vivement ce voyage et prit sur elle d'en ordonner les préparatifs. Le sultan consentit à regret, et pourtant il fit plus encore. Il permit qu'Elenka emmenasse son fils. La favorite s'embarqua avec une suite nombreuse d'esclaves et d'eunuques noirs. Le vaisseau turc qui la portait dut aborder au port de Salonique parce que le jeune prince était tombé dangereusement malade. Peu de jours après, il mourut. Son corps fut enseveli avec les cérémonies d'usage et déposé dans un turbé près de la grande mosquée. Elenka envoya un de ses eunuques à Constantinople prononcer au sultan cette funeste nouvelle, et le même jour, chose étrange, elle disparut sans qu'il fût possible de retrouver ses traces. Il paraît certain qu'elle avait conçu depuis longtemps ce plan d'évasion, et qu'elle avait accompli par un miracle de ruse, de persévérance et d'audace. Secondée par un de ses eunuques noirs, elle était parvenue à tromper tous ceux qui l'environnaient. C'était un enfant juif, mort de la peste, qui reposait dans le turbé, à la place de son fils, qu'elle avait soustrait ainsi au triste sort qui l'attendait. On soupçonne les chrétiens de Salonique d'avoir favorisé sa fuite, parce qu'elle était chrétienne d'origine et qu'elle avait toujours manifesté peu de zèle pour la loi du prophète. Quoi qu'il en soit, le sultan manifesta plus d'étonnement que de chagrin en apprenant sa fuite, mais la perte de son jeune fils le toucha sensiblement. Vers ce temps-là, de sinistres intrigues troublèrent le sérail. Depuis longtemps, la Saki supportait impatiemment l'autorité de la valide des Bafa et travaillait sourdement à mettre son fils sur le trône. Cette femme hardie était parvenue à gagner les chefs des janissaires et la plupart des grands fonctionnaires de la sublime porte. Le complot avait été ourdi avec tant de prudence et d'habileté que les espions chargés par la validé de surveiller son ennemi n'avaient rien découvert. Déjà, le Shahzadeh avait quitté secrètement Magnésie où il résidait pour venir recueillir l'héritage de son père. Mais la veille du jour fixé pour l'exécution de ce grand crime, un eunuque noir révéla tout au sultan et lui apprit que le Shahzadeh caché dans un Akisla-Aga du Sérail attendait que tout fût fini pour se montrer au peuple. Lorsque le padishah entendit ces révélations, les muezzins annonçaient la prière du soir. Il n'avait plus qu'une seule nuit pour prévenir le coup fatal, mais ce fut assez. Avant que le jour parût, les muets allaient étrangler le Shahzadeh dans le kiosque où il était caché. 14 grands personnages, ses adhérents, eurent le même sort, et la sakikouz du vivant dans un sac de cuir fut précipité au fond de la mer. À la suite de ces événements, Mahomet III tomba dans une noire mélancolie. Tout ce qui l'environnait lui était devenu suspect, hormis la validée, à laquelle il confia entièrement le gouvernement de l'État. Cette vieille princesse n'était pas fort habile en politique, mais elle avait l'art de maîtriser les factions et de se concilier l'opinion populaire. Les Turcs ayant été battus en Hongrie, il s'ensuit de grands désastres. Les provinces se révoltèrent, le pain manqua à Constantinople et la populace commençait à s'agiter. Pour apaiser ce mécontentement, la validée imagina d'ordonner un doualma, une fête publique. Il y eut une cavalcade où figurait toute la cour et où elle parut elle-même à cheval et sans voile. Cette nouveauté n'avait pas de précédent. Elle excita beaucoup la curiosité des bons musulmans qui jusqu'alors n'avaient jamais entrevu le visage d'une sultane. La Bafa était belle encore, dit un témoin oculaire. Elle avait le teint fort blanc, les yeux noirs et pleins de feu, le geste et le port de tête imposants. Son tefelatar, son trésorier, venait derrière elle et lui présentait continuellement des poignées d'aspros, la menue monnaie, qu'elle jetait au peuple. Mahomet III n'avait plus que deux fils nés de la même mère, une esclave cypriote choisie parmi les enfants du tribut. Cette favorite avait toujours rendu de grands respects à la validée et s'était maintenue dans sa faveur par la douceur et la nullité de son caractère. Étrangère à toutes les intrigues du sérail, elle ne chercha pas à s'élever après la fin tragique de sa redoutable rivale et reçut le titre d'Asaki avec une sorte d'indifférence. La Bafa gouvernait donc paisiblement, son pouvoir semblait pour longtemps assuré, lorsque l'événement le plus inattendu la renversa. Mahomet III mourut à 38 ans d'une maladie qui ne dura qu'une seule nuit et qui, dit-on, était la peste. La cypriote sortit alors de son néant et manifesta tout à coup des qualités qu'on ne lui avait pas soupçonnées. D'accord avec le grand vizir, elle s'empara du pouvoir et relégua la validée Bafa dans le vieux sérail après avoir fait porter au trésor les sommes immenses que cette sultane avait amassées. Son influence modifia la barbare coutume qui condamnait à la mort tous les frères de l'empereur régnant. Mustapha, l'unique frère d'Achmed II, ne fut pas livré aux muets. Il passa du harem d'où il n'était pas encore sorti dans un café situé au fond des jardins du sérail. Quelques eunuques et quelques vieilles esclaves furent enfermés avec lui pour le servir et lui faire compagnie. Pour un adolescent qui n'avait pas encore goûté la liberté, cette prison n'eut sans doute rien d'affreux, et la suite de sa vie prouva qu'il s'y était volontiers résigné. Achmed II venait d'avoir 16 ans lorsqu'il succéda à son père. Il était d'un tempérament faible et maladif. Il dédaignait toutes les esclaves et se montrait fort ennuyé de leurs empressements. Son unique favorite était une vieille juive appelée Kaira Kadoun, dont la figure était des moins attrayantes. Elle avait plu jeune au sultan en lui faisant des contes et des historiettes et en lui apportant secrètement des flacons d'un bain de Kio qu'il aimait singulièrement. Kaira dissimulait sous l'apparence d'une humeur toujours enjouée et complaisante une cupidité excessive et une sourde haine pour tout ce qui n'appartenait pas à sa race. Elle faisait trafic des grâces qu'elle obtenait. En peu de temps, elle avait amassé des biens immenses et son insolence croissant avec sa fortune, elle exigeait qu'on lui rendît les mêmes respects qu'à la mère du sultan. Enfin, sa faveur devint un scandale public. Le peuple s'émut et s'indigna d'être gouverné par cette vieille juive qu'il avait vu jadis traîner sa misère aux portes des bazars. Un jour, les janissaires envahirent la première cour en proférant des cris confus, prélude redoutable de toutes les séditions. Ils attaquèrent bientôt les portes de la seconde cour afin de pénétrer dans l'intérieur du sérail, mais la troupe fidèle des Bazanji qui y défendait le passage parvint à les repousser. Pendant ces commencements de révolte, le sultan était dans un des kiosques qui ont vu sur la mer, écoutant les histoires de Kaira Kadoun. De cet endroit, il ne pouvait entendre les bruits du dehors, et il demeura fort étonné lorsque le grand vizir vint en toute hâte lui apprendre que les janissaires révoltés assiégeaient le sérail. « Et que veulent-ils ? » demanda sans s'émouvoir le padishah. « Ils veulent la tête de Kheyra Khadoun, et il faut la leur donner, » répondit le grand vizir avec décision. La malheureuse femme se réfugia aux genoux de son maître. Elle le supplia de lui sauver la vie. Mais les cris menaçants des janissaires se firent entendre jusque dans le kiosque. Il y avait tout à craindre de leur fureur. Le sultan Achmed essaya vainement de défendre sa favorite. Pressé par le grand vizir, il fut forcé de donner l'ordre fatal. Bastanji se saisit de Kheyra Khadoun et l'emporta demi-morte déjà d'angoisse et d'épouvante. Elle fut conduite dans la seconde cour, et un moment après, sa tête, lancée par-dessus les créneaux de la porte des salutations, tombait au milieu des séditieux. Cette exécution apaisa la révolte, et tout rentra dans l'ordre accoutumé. Mais le jeune empereur ne se contenta pas aisément d'avoir perdu sa vieille amie, et il ne tarda pas à la venger, en faisant étrangler le grand vizir, qu'il soupçonnait d'avoir secrètement fomenté la révolte des janissaires. Parmi les belles esclaves dont le Kislaraga remplissait le sérail, il s'en trouva une enfin qui eut le bonheur de plaire au jeune empereur. À cette grande nouvelle, la joie rentra dans le harem impérial. Toutes les odalisques espérèrent obtenir aussi l'amour du sublime sultan. Il eut en effet plusieurs favorites qui, presque simultanément, le rendirent père d'un fils et de 4 filles. Celle qu'eut la fortune de mettre au monde, le Shahzadeh, fut, selon l'usage, proclamée à Saki. Mais elle resta confondue parmi ses rivales et dut se contenter de ce 20 titres. Au milieu de ces femmes dont le bonheur était si passager et qui remplissaient le sérail de leur jalousie, de leurs querelles et de leurs intrigues, se trouvait une jeune esclave qui avait la plus belle éducation que puisse recevoir une femme turque. Elle savait lire et l'écrivait fort bien le turc et le persan. De plus, elle chantait fort agréablement les vers et dansait avec beaucoup de grâce. Son visage était d'une médiocre beauté. Elle avait le teint uni, les cheveux d'un blond doré, les yeux noirs. On l'avait surnommée Kiosem, potelée, à cause du léger embonpoint qui arrondissait ses membres forts et gracieux. Des années s'écoulèrent avant que le sultan jetât les yeux sur elle, mais enfin il fut attiré par la douceur de sa voix. Bientôt il découvrit qu'elle savait presque autant de contes et d'histoires merveilleuses que sa regrettée Kheyra, et dès lors, il ne se soucia plus des autres odalisques. Kiosem n'était point de sang chrétien, et d'origine noble comme Roxelane et la Bafa. Née musulmane, elle unissait aux instincts farouches de sa race des aptitudes rares. Son esprit était vif et sagace, son âme profondément corrompue. Elle avait la douceur perfide, l'astuce, la volonté patiente, la soumission absolue des femmes de l'Orient. Le sultan lui donna bientôt des marques extraordinaires de son amour. Ne pouvant ôter à la Saki le titre dont elle était en possession, il nomma Kiosem seconde à Saki et voulut qu'elle eût un train pareil à celui de la sultane Validée. Aucune souveraine, pas même la reine d'Espagne, ne possédait autant de pierreries et de joyaux que cette favorite. Elle était parée des plus belles perles et des plus beaux diamants qu'il y eut dans le trésor des sultans. Un jour, Achmed lui donna des pendants d'oreilles qu'on estimait 3 millions de notre monnaie. Ces pendants étaient en brillants gros comme des noix et accompagnés de rubis admirables. Kiosem ne quitta plus cet ornement superbe, gage de la passion du sultan. Elle aimait à l'excès la magnificence dans les habits et ne paraissait jamais devant le grand seigneur que dans la plus somptueuse parure. La Saki et les autres odalisques étaient rentrés dans le néant. Elle aurait pu d'un seul mot les exiler dans le vieux sérail. Libre dans le harem impérial, où le sultan ne venait que pour elle seule, elle marchait l'égale de la Validée. La première Saki conçut tant de jalousie et de douleur du triomphe de sa rivale qu'elle en mourut. Achmed II n'alla jamais combattre à la tête de ses armées. Pourtant, son règne fut glorieux. Ses généraux gagnaient des batailles, tandis qu'il bâtissait la belle mosquée qui porte son nom et faisait prudemment étrangler un de ses gendres, le grand vizir Nassouf, qui méditait de le détrôner. Ce Nassouf avait l'honneur d'épouser la fille aînée du sultan et de Kiosem. La petite sultane n'avait que 5 ans lorsque son premier mari mourut, et avant qu'elle lui atteint l'âge de 20 ans, elle fut 4 fois remariée. Ayant accumulé tant de douaires, elle était devenue si riche qu'on disait proverbialement d'un prodigue il dépenserait le trésor de la sultane Ghaner. Ce nom veut dire en persan « pierre précieuse ». Sultan Achmed était l'homme le plus heureux de son empire. Osman, son fils aîné, n'annonçait que de belles inclinations et ne lui causait encore aucun souci. Qessem l'avait rendu père de deux fils encore en bas âge et de plusieurs petites sultanes. La validée, sa mère, voyait sans envie l'influence de la favorite, et toutes deux vivaient en bonne intelligence. Mais les destinées humaines ne comportent pas une félicité aussi complète. Au milieu de sa gloire, le sublime empereur éprouva les premières atteintes d'un mal dont la cause était inconnue. Quoiqu'il fût à la fleur de l'âge, il dépérissait lentement, et chaque jour semblait emporter une année de sa vie. Malgré leur ignorance, ses médecins comprirent que le remède ne le guérirait pas, et ils avertirent la validée. Déjà Qessem savait que le sultan touchait à sa dernière heure, et prévoyait les suites de cet événement. Tout changeait autour d'elle, sa puissance tombait. Elle était menacée d'aller finir ses jours dans le vieux sérail, après avoir vu étrangler ses deux fils. Tel était l'avenir qui l'attendait, si le Shahzadeh succédait directement à son père. Pour échapper à ce funeste sort, elle eut la hardiesse de provoquer un changement dans l'ordre de succession. D'accord avec la validée, elle remontra au sultan que le Shahzadeh était bien jeune pour gouverner un si vaste empire, et que les pachas turbulents, les janissaires indociles, ne laisseraient pas un enfant de 12 ans monter paisiblement sur le trône. Pour éviter les malheurs qu'elle prévoyait, elle le conjura de désigner lui-même, pour son successeur, ce frère auquel sa magnanimité avait laissé la vie et qui, depuis 14 ans, végétait dans le cafès qui lui servait de prison. Le triste monarque se rendit à ses conseils et commanda qu'on fît venir Mustapha. Celui-ci se jeta à genoux en entrant dans la chambre impériale. Il tremblait qu'un soupçon, un caprice, ne le livrât au fatal lacet. Les deux frères ne s'étaient revus qu'une fois depuis que l'un régnait et que l'autre languissait dans sa prison. Quoique jeunes l'un et l'autre, ils paraissaient également vieillis. La maladie et la captivité avaient produit le même effet. En présence de la validée, de Qessem et du grand vizir, l'empereur mourant désigna pour son successeur le prince Mustapha et lui recommanda sa jeune famille, le priant avec larmes de laisser vivre ses fils. Achmet mourut quelques heures après avoir fait cette espèce de testament, et ses dernières volontés furent fidèlement exécutées. Le sultan défunt laissait 6 enfants mâles, l'aîné Osman qui garda le titre de Shahzadeh, Mohamed plus jeune que l'héritier présomptif de 8 jours seulement, Mourad et Ibrahim que Qessem avait mis au monde, et 2 autres petits princes nés d'obscurs favorites. Ces faibles rejetons de l'arbre impérial auraient péri infailliblement si Qessem n'avait eu l'habileté de faire substituer Mustapha à l'héritier direct de la maison ottomane. Le nouvel empereur n'avait guère que 25 ans, mais il était presque idiot. Sa longue captivité lui avait ôté la vigueur de l'esprit et la santé du corps. Quoique dans la série des portraits dont j'ai parlé, il se représentait avec les cheveux noirs, les lèvres rouges et le regard terrible, il avait en réalité la barbe blonde, les yeux languissants et une physionomie fort douce. Ses idées n'étaient pas toujours nettes. Il ne se plaisait que parmi ses nains et ses bouffons. Un jour, voulant récompenser les Bastandji qui soignaient le parterre où il aimait à se promener, il fit jeter par les fenêtres de sa chambre des poignées d'or et de joyaux. Bientôt, il se montra indifférent à tout ce qui l'entourait, et la population du sérail en vint à ne plus avoir aucun respect pour sa personne. D'autre part, le peuple murmurait disant que le sultan n'avait pas belle grâce à cheval et qu'il tenait toujours les yeux levés vers le ciel comme un santon. Le Kislarga, qui n'avait de crédit que pour les femmes, se voyant sans fonction et sans autorité, sous un maître si exempt de passion, se ligua avec le cheikh ou l'islam et quelques autres grands personnages pour détrôner Mustapha. Le grand vizir et les agas des janissaires entrèrent dans la conspiration, et le cheikh ou l'islam, le chef de la religion, rendit un fêtra dans lequel il déclarait que les bons musulmans devaient refuser l'obéissance quand le sultan était insensé. Un jour, le sultan Mustapha, revenant d'une promenade sur le Bosphore, entra comme à l'ordinaire dans le quartier des femmes pour faire sa visite à la validée. Le Kislaraga fit aussitôt fermer les portes derrière lui et en emporta les clés. Une troupe dévouée garda le passage par lequel on communiquait avec les autres parties du sérail. Les conjurés se réunirent aussitôt et sans perdre un moment, ils se rendirent dans l'appartement des jeunes princes, fils du sultan Achmet. Le grand vizir Ali Pacha prit le Shahzadeh par la main et l'emmena dans la salle du conseil où il fut aussitôt proclamé empereur. Tout le monde cria « Longue vie au sultan Osman, 1000 ans de règne au Padisha !» Cependant Mustapha était encore auprès de la validée. ni l'un ni l'autre n'avaient rien entendu, et lorsque le sultan détrôné voulut sortir, il s'étonna de trouver les portes fermées et commanda avec colère qu'on les ouvrit. Le Kislaraga parut alors et l'instruisit de ce qui venait de se passer. En même temps, il l'invita froidement à se laisser conduire dans le cafès qu'il avait déjà habité. Mustapha devint furieux. Contre toute prévision, il comprenait sa déchéance et manifestait une énergie dont il avait semblé incapable. Mais le Kislaraga n'était pas homme à s'effrayer de ses cris et de sa résistance. Maître absolu dans le quartier des femmes, il ordonna aux eunuques d'enfermer Mustapha en quelque lieu d'où il pût s'échapper, et comme la validée exhortait son fils à se défendre, il la fit conduire dans le vieux sérail avec quelques anciennes odalisques, ses confidentes. Le sultan déchu eut pour prison une petite tour dont l'unique porte s'ouvrait dans le harem. Sa chambre ne recevait un peu de jour que par une étroite fenêtre solidement grillée, et il avait pour toute compagnie deux vieilles esclaves et un vieil eunuque noir. Le monarque adolescent se laissa d'abord gouverner par ceux qu'il avait mis sur le trône, mais avant qu'il eût atteint sa 15e année, on s'aperçut qu'il ne tarderait pas à régner par lui-même. Déjà, le pouvoir l'enivrait, et il aimait à se montrer au peuple dans le superbe appareil des sultans. Un voyageur de cette époque s'étant trouvé sur le passage du Padishah, tandis qu'il se rendait à la mosquée de Sainte-Sophie, s'écrit avec enthousiasme « La plus belle odalisque ne pourrait lui disputer le prix de la beauté. Il a les yeux noirs, la bouche vermeille et le teint admirable. Sa taille est grande et majestueuse. Enfin, toute sa personne inspire l'admiration. » Malgré ses avantages extérieurs, Osman ne gagna pas les sympathies de la multitude. Il se montrait déjà farouche, violent, inflexible. Le sérail était promptement rentré dans l'obéissance sous sa main de fer. Il avait des sévérités qui faisaient trembler les vieux pachas et répandaient la terreur autour de lui. Il eut un fils avant l'âge de 16 ans et n'attendit pas qu'une barbe naissante ombragea sa lèvre pour se mettre à la tête de l'armée. Soit intrépidité, soit présomption, il voulut commander les 300 000 hommes qu'il envoya en Pologne. Mais après une sanglante campagne, il revint à Constantinople vaincu et presque fugitif. Profondément humilié par ses revers, il accusa les janissaires d'avoir manqué de valeur et conçut contre cette milice une haine implacable. Sans doute, il résolut dès lors de la détruire, mais il fut distrait de son dessein par une autre préoccupation. Il y avait à Constantinople une jeune fille de grande naissance nommée Achada. Quoique le harem du cheikh ou l'islam, son père, fût un endroit inaccessible, on savait qu'elle était d'une beauté si rare que peut-être elle n'avait point d'égal dans tout l'empire. Le padishah fut tenté par le portrait qu'on lui fit de cette merveille. Il demanda au cheikh ou l'islam de lui amener sa fille. La belle Achada répondit fièrement que le sublime empereur était le maître de sa vie, mais qu'elle aimerait mieux être la femme légitime du dernier de ses sujets que de devenir une de ses odalisques. Ce scrupule étrange chez une turque irrita la passion du sultan, et il n'hésita pas à élever au rang d'épouse légitime l'ambitieuse jeune fille. Elle fut conduite dans le sérail avec le cérémonial en usage pour les mariages musulmans et prit immédiatement le titre de sultane. Cette infraction aux lois de l'État et aux coutumes de la maison ottomane révolta le sentiment public. Les pachas, fatigués du joug qui pesait si lourdement sur eux, s'unirent aux janissaires mécontents. On répandit des nouvelles inquiétantes et bientôt le bruit courut que le sultan Osman, prêt à quitter le sérail de Constantinople, allait transférer le siège de l'Empire au Grand Caire. Alors le peuple crédule commença à s'agiter et à parler du sultan avec des termes de mépris. Au premier indice de cette sédition, le sultan avait envoyé les muets étrangler son frère Mohammed. Depuis environ 30 ans, aucun mâle du sang impérial n'avait péri de mort violente et cet acte de cruelle prudence acheva de rendre le sultan odieux. La révolte se propagea comme un incendie. Les janissaires investirent le sérail avec des menaces effroyables et leurs ragas, loin de les retenir, marchèrent avec eux. Osman n'avait autour de lui que la population du sérail. Pourtant, il opposa une énergique résistance à ses ennemis, et l'on se battait depuis 4 jours lorsqu'il tomba entre leurs mains. Les cruels janissaires le conduisirent au château des 7 tours en l'accablant d'outrage et en portant devant lui au bout d'une pique la tête sanglante de son grand vizir. Lorsque le sultan déchu fut sorti du sérail, le Kislaraga, qui à la tête de ses eunuques noirs gardait le quartier des femmes, se rendit près de Kiosem. La verve d'Achmed II était restée dans le harem impérial, à portée de surveiller les événements. La mort de Mohammed et la déchéance d'Osman donnaient l'empire à son fils aîné Mourad. Pourtant, lorsque le Kislar Aga lui annonça cette grande nouvelle, la prudente femme répondit froidement « Pas encore ». Elle ne se trompait pas. Les janissaires, maîtres de la situation, cherchaient partout Mustapha pour le remettre sur le trône. Anish Oghlan leur montra sa prison, mais ils ne purent d'abord y pénétrer parce que la porte s'ouvrait dans le quartier des femmes, séjour inviolable, même pour des soldats furieux. On s'avisa enfin d'enlever le dôme de plomb qui servait de toit à la petite tour, et trois janissaires, hardis sauteurs, descendirent dans la cellule. Ils trouvèrent le pauvre prisonnier à demi-mort et priant le Coran entre les mains. Pendant tous ces désordres, on l'avait oublié, et depuis 4 jours, il n'avait pris aucune nourriture. Les deux vieilles et l'eunuque noir gisaient accroupis dans un coin, prêts de rendre l'âme. On tira Mustapha de la tour avec des cordes et on le conduisit au camp que les janissaires avaient dressé hors de la porte d'Andrinople. Là, il fut de nouveau proclamé et sur le champ il nomma son grand vizir Daroud Pacha, qui avait eu l'honneur d'épouser une des sultanes filles d'Achmed II et de la Validée. Quelques jours après, Daroud Pacha se rendit au château des 7 tours. Il portait au malheureux Osman l'ordre fatal et amenait les sinistres exécuteurs. Osman demanda quelques instants pour se préparer à la mort. Mais au lieu de se mettre en prière, il se précipita sur les muets afin de leur arracher les cordons de soie qu'il tenait prêts pour l'étrangler. Cette action les obligea à se servir de leurs armes. Excités par Daroud Pacha, ils massacrèrent leurs victimes. Osman mourut comme sur un champ de bataille, couvert de blessures et baigné dans son sang. Il n'avait pas encore accompli sa 18e année. On s'était empressé de tirer la Validée du vieux sérail. Elle seule savait gouverner l'esprit débile du sultan et empêcher qu'il ne manifestât publiquement sa folie. Telle était son habileté et la surveillance dont elle l'environna, que dans le sérail même on ignora longtemps qu'il était fou et maniaque. Toute l'autorité était concentrée entre les mains de la Validée et du grand vizir, son gendre, qui Osem aurait pu jouir d'une grande influence, mais elle affectait de ne prendre aucune part aux affaires de l'État. Attentive à se faire oublier, elle vivait dans l'appartement le plus isolé du quartier des femmes et n'en sortait que pour se rendre chez la Validée, à laquelle elle ne cessait de témoigner le plus humble respect. Une si sage conduite l'avait maintenue dans la confiance et l'amitié de la Validée. Cette vieille princesse oubliait qu'elle aussi avait vécu soumise, les genoux pliés devant la mère du padisha, mais qu'un jour elle s'était relevée et avait envoyé la Bafa au vieux sérail. Cependant, la tranquillité ne régna pas longtemps dans ce séjour orageux. Le grand vizir Daroud Pacha était un homme hardi, ambitieux à l'excès et capable de toutes les cruautés. Il considéra que les fils du sultan défunt étaient encore des enfants, que le sultan Mustapha devenait de jour en jour plus incapable, et il conçut la pensée de se mettre à sa place. Son union avec une sultane tant aimée du padisha lui semblait un titre suffisant et le pouvoir souverain qu'il exerçait déjà, un moyen infaillible pour amener ce changement de dynastie. Afin de simplifier la situation, il obtint du sultan l'ordre de faire étrangler Mourad, le fils aîné de Kiosem et l'héritier présomptif de l'Empire. Ce petit prince n'avait guère que 10 ans, mais il était déjà d'un naturel si violent et si intrépide qu'il faisait ombrage au grand vizir. Cette fois, les muets ne furent point mandés pour faire la lugubre besogne. Daroud Pacha en chargea le Kapiaga, le chef des portiers du sérail.